بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا الدرس الرابع من هذه السلسلة الفرق الضالة. Donc c'est le quatrième dars de cette série de cours sur les sectes en islam. واليوم بإذن الله عز وجل ندرس ما يتعلق بفرقة المرجئة وبالله التوفيق. Aujourd'hui on étudie ensemble, en résumé, ce groupe, cette secte, المرجئة. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى المجلد العشرين ثم في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم حدثت فرقة القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وجابر وأمثالهم من الصحابة رضي الله عن الجميع على fin de l'époque de Sahaba رضي الله عنهم Firqat al-Qadariya, le groupe al-Qadariya, ils sont sortis et c'est cette secte qu'on a étudiée ensemble, walillahi alhamd, dans le cours précédent. قال وحدثت أي خرجت المرجئة قريبا من ذلك المرجئة, ils sont sortis juste après al-Qadariya, أي la même période après al-Sahaba رضي الله عنهم. وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز رحمه الله انتهى كلام شيخ الإسلام. أما الجهمية c'est un groupe qui est sorti après المرجئة et c'est le groupe qu'on étudiera ensemble dans le prochain cours إن شاء الله. فce groupe المرجئة cette secte انحرفت في باب عظيم من أبواب هذا الدين وهو الإيمان. القدرية ils se sont égarés dans le destin. المرجئة leur égarement c'est في الإيمان, la foi. وعقيدة السلف الصالح في الإيمان, on cite brièvement la عقيدة, la voie des سلف في الإيمان. قال الإمام أبو بكر الآجري رحمة الله عليه في الشريعة نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم وقد تقدم ذكرنا لهم أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا. الإيمان c'est une croyance avec le cœur. إيمان جازم أي بيقين, la certitude. وقول اللسان, une parole ou des paroles avec la langue. وَعَمَلُ الْجَوَارِحِ, des œuvres, des actions avec les membres. C'est ça l'iman عند السلف. اِعْتِقَادٌ وَقَوْلٌ وَعَمَلٌ, croyance, parole et acte. وَلَا يَكُونَ مُؤْمِنًا إِلَّا بِهَذِهِ الثَّلَاثِ, et l'insan si veut être mu'min فَلَا بُدْ, de ces trois piliers. اعتقاد قول اعمل لا يجزي بعضها عن بعض والحمد لله على ذلك انتهى كلام الآجري رحمة الله عليه. ومن أبرز الأدلة أن الأعمال من الإيمان قول الله عز وجل. أما la parole et la croyance فهذا c'est واضح حتى عند بعض المرجئة. On cite un دليل قوي et clair, أن الأعمال أي les œuvres ça fait partie de l'Iman. قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية pour comprendre وجه الاستدلال il faut comprendre سبب النزول, أي pourquoi ce verset est descendu. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره اتفق العلماء أنها نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس كما ثبت في البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. إلى سيتي الحديث أن ce verset est descendu كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن avant que القبلة الله سبحانه وتعالى il a ordonné aux mu'minoun de se diriger vers Mecca. Au départ, ils se dirigeaient tous en direction de Beit al-Maqdis, et la Palestine, al-Quds. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala amrahum, il leur a ordonné de se diriger en direction de Mecca, le Beit al-Haram. Fa'ba'd hadha, بعض الصحابة رضي الله عنهم, ils se sont posé la question à ceux qui sont morts avant. Ils ont fait la salat qu'en direction de Beit al-Maqdis. Et ils sont morts avant que la Qibla elle change. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ce verset. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et tout ce qu'ils ont fait comme salawat, Allah subhanahu wa ta'ala il en prendra compte. Pourquoi? Les anoum ils sont morts avant que la Qibla elle ait changé. Le rapport avec l'Iman. Al-An. Si vous avez compris هذا, قال الإيمان القرطبي رحمة الله عليه فسمى الصلاة إيمانا لاشتمالها على نية وقول وعمل. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il a appelé salat iman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أَيْ صَلَاتَكُمْ. Le verset, بِاتِفَاقِ الْعُلَمَا, il est descendu sur, ou pour cette occasion. Quand ils se sont posé la question, ceux qui sont morts avant que la Qibla elle change. L'imam al-Qurtubi rahmatullah alayhi montre qu'Allah il a appelé as-salat iman. Et salat c'est une intention, bien sûr, pour Allah Azza wa Jal, c'est des paroles, Al-Fatiha ou Al-Athkar, et كذلك des actions. La position debout, le recours, le sujoud, ila akhira as-salat. Hada istidlalun qawi anna al-iman, c'est des œuvres du cœur, de la langue et des membres. Qala, wa qala Malik rahimahullah, al-imam, la athkur bi hadhihi al-aya qawl al-murji'a, inna as-salat laysat min al-iman. Al-imam Malik rahmatullah alayh, quand il disait ce verset, il se rappelait de l'égarement de l'murji'a. Ils disent que le salat, ça ne fait pas partie de l'iman. Ils ont fait sortir l'a'mal min l'iman. Les œuvres, pour eux, ça ne fait pas partie de l'iman. L'iman, c'est une parole et une croyance. Et d'autres, ils disent que c'est la parole. D'autres, ils disent que c'est que la croyance. C'est ati, inshallah. L'imam Malik, rahmatullah alayhi, قال, la athkur bi hadhihi l'aya qawlu l'murji'a. Et comment ils vont faire le murji'a avec ce verset? En Allah, il a appelé salat iman. Et eux, ils disent que salat, ça ne fait pas partie de l'iman. Ayyadam billah, hakada, celui qui s'écarte des textes. Hakada, celui qui ne suit pas la voie des salaf. Hakada, celui qui prend qu'une partie des adillah et il délaisse le reste. Yanharif. Et l'égarement de toutes les sectes qu'on a vues, que ce soit le khawarij, ou le qadariya, ou le murji'a, ou le rawafid, ils ont pris certains textes et ils ont délaissé le reste. Ou ils se sont appuyés sur la langue arabe. Ou ta'assub li a'immatihim. Et ils ont délaissé la voie des salafs. Et ils ne sont pas revenus aux savants de leur époque. Fanharafu wa dhallu. Wa min adillat al-salaf aydan. Hadith Shu'ab al-Iman. On cite un dalil min al-sunnah. Qala Muhammad ibn al-Nasr, rahmatullah alayhi, comme dans le kitab al-Iman ibn Mandah. وقد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة فأفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينوز إكسبليك سيكو الإيمان. الإيمان بضع وسبعون أي سي بلوزيور برانش 70 أو une soixantaine. نعم والرواية التي فيها ستون شعبة لأصح. قال فجعل الإيمان شعبا بعضها باللسان والشفتين أي قوله الإيمان بضع وستون شعبة أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله. Donc parmi les branches de l'Iman, et c'est la meilleure partie de l'Iman, c'est la meilleure branche عند الله عز وجل, c'est la parole dire لا إله إلا الله. Donc l'Iman c'est ça englobe les paroles. قال وبعضها بالقلب قوله عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان. أي la pudeur, الحياء. Et الحياء, là, je sais que c'est un amal du cœur, une œuvre du cœur. Donc ça montre que من الإيمان أعمال القلوب, des choses qui sont dans le cœur. وهذا c'est clair pour tout le monde. قال وبعضها بسائر الجوارح. Et certaines branches avec les membres. قوله صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق. أي enlever un obstacle de la route qui gêne les musulmans, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé cet acte, cette œuvre, iman. Donc ce hadith, c'est un dalil, an al-iman qawlun wa amalun wa atiqad. Et le hadith, comme il a taqaddam, il est fi al-sahihayn. فشهادته أن لا إله إلا الله فعل اللسان والحياء في القلب وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح. إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. Et si vous remarquez ou vous méditez le hadith, أن si tu te déplaces pour enlever un obstacle, فسائر الجوارح, tu vas marcher, tu vas prendre cet obstacle, ربما tu vas te pencher, وهكذا. Ça montre أن tout ça, ça fait partie de l'Iman. أما المرجئة الضلال خالفوا السلف dans ce point l'iman. Et vous allez voir qu'on va lire ensemble inshallah la parole de certains savants. Annahum, ils sont plusieurs groupes. Awwalan at-ta'rif, et la définition de al-murji'ah. Al-murji'ah lughatan min al-irja' wa huwa at-ta'khir. Wa ba'dhum qalu min ar-raja', ay l'espoir. Wa ba'dhum qalu min al-irja', et c'est at-ta'khir. Ay faire sortir une chose, مثلاً faire sortir العمل من الإيمان. فأخروا, ils ont fait sortir l'أعمال عن مسمى الإيمان. هذا هو الإرجاء لغة, أي en langue arabe. كما قال عز وجل قالوا أرجه وأخاه, أرجه وأخاه, هكذا في القرآن. Ce qui nous intéresse الآن, c'est le mot إرجاء linguistiquement. وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا, أي أخره. كعب بن مالك رضي الله عنه قصته في الصحيح, quand il est pas parti à غزوة تبوك avec deux autres رضي الله عنهم, elle est connue, la قصة. الحمد لله, ils ont fait توبة, والله سبحانه وتعالى, il a accepté leur توبة, لكن au départ, قال وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا, أي أخره. النبي صلى الله عليه وسلم, il a repoussé, il a attendu qu'un verset du Coran descende sur Ha'oula. Donc, l'irja lughatan, c'est ta'khir. Et retarder une chose, ou faire sortir une chose d'une autre. Ou fil istilah. Et c'est ce qui nous intéresse. Huna, et pourquoi l'ulama, ils appellent cette secte al-murji'a. Su'ila al-imam Ahmed, rahmatullah alayhi, comme fi sunnah, lil khalal, manhum al-murji'a. Ils ont posé cette question. C'est qui al-murji'a? Qala rahimahullah. الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل. C'est ceux qui disent que l'iman c'est une parole. Et bien sûr, يقولون القلب. Certains, أن بعضهم كما سيأتي الكرامية, ils disent que c'est qu'une parole, même s'ils ne croient pas. عيادا بالله. المهم أن المرجئة, c'est ceux qui font sortir العمل من الإيمان. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه قيل مرجئة لأنهم قدموا القول وأرجأوا العمل أي أخروه. هؤلاء هم المرجئة. وبعضهم قالوا أن الإرجاء أو المرجئة من الرجاء, أي ils ont penché plus du côté de الرجاء, أي l'espérance, et ils ont délaissé جانب الخوف, فانحرفوا. مانع des deux معاني هنا. أما نشأتهم, أي leur apparition, فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه, et on a lu une de ses paroles au début de la kalima. قال أن بدعة الإرجاء حدثت في أواخر عصر الصحابة في خلافة عبد الملك بن مروان وخلافته انتهت بوفاته سنة 86, أي من الهجرة. Donc à la fin de l'époque des compagnons رضي الله عنه, il restait que quelques compagnons, la plupart ils étaient morts. وفي خلافة عبد الملك بن مروان, المرجاء sont sortis à cette époque, pendant le califat de Abdel Malik ibn Marwan. Et khilafatuhu intahat sanat 86. Et son califat, il s'est arrêté en l'an 86 de l'Hijra avec sa mort. Donc les murji'a, ils sont sortis après l'époque de Sahaba, et à la fin de leur génération, et avant la mort de Abdel Malik, et pendant son khilafat. Fa ba'd adh-dhuhur al-khawarij wa أصلهم الفاسد في تكفير العصاة من الموحدين. On a étudié ensemble هذا ولله الحمد. Quand les Khawarij sont sortis à l'époque de Sahaba, l'époque de Uthman et de Ali رضي الله عنهما, فكفروا المسلمين, avec des choubahs qu'on a expliqué ولله الحمد dans la secte des Khawarij. فقابلتهم هذه الفرقة الضالة, Ça montre la gravité de vouloir répondre à un égarement avec ignorance. Al-Murji'a, ils n'étaient pas d'accord avec le Khawarij. Et ils savaient que le Khawarij, ils étaient à la dalal. Annahum kanu yukaffirun al-muslimin bighayri haqq. Il y a un musulman qui fait un grand péché, ce n'est pas un kafir. Tant que ce grand péché ne fait pas sortir de l'islam, que le shirk il a akhiri. Tant qu'il ne fait pas un naqid min nawaqid al-islam, une chose qui annule son islam, qu'à l'istihlal, mathala. Fal-Murji'a, pour repousser ou pour répondre à bid'at al-khawarij, ils ont inventé une bid'a, iyadam billah. Al-Iman, il ne descend pas, il ne monte pas. Les péchés, ça ne fait pas de mal à l'Iman. Al-A'mal, ça ne fait pas partie de l'Iman. Iyadam billah. Faqalu, certains d'entre eux, pour répondre à l'Khawarij, wa ha'oula, c'est min roulat al-murji'a, annahu la yadur ma'al iman dhambun. Même si l'insan, il fait des ma'asi, son iman, il est comme celui de Jibril et celui de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et celui de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Andur al-jahl. Pourquoi? Les annahum, ils ont voulu répondre et ils ne sont pas revenus aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas revenus aux imams qui étaient à leur époque. Ils ont répondu à une bid'a par une bid'a. Al-harafu. Celui qui veut répondre à Ahl-Shar, il y a des conditions. Il faut du ilm. Il faut comprendre leur égarement. Avec tout ça, il faut être sincère, il faut vouloir le haq. Il faut revenir à madhab al-salaf. Kul wahid y répond avec ce qu'il pense. Ça fait plusieurs sectes. Al-Khawarij, al-Rawafid, après al-Murji'a, et al-Mu'tazila kadhalik, vous allez voir qu'ils ont un égarement fi hadha al-bab kal-Khawarij, wa hakada jami' al-firaq. Amma al-haq wahid, al-haq il est inda al-salaf, wa lillahi al-hamd. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى وهؤلاء المرجئة الذين يخرجون العمل عن الإيمان لم يكونوا يقصرون في العمل وإنما قالوا هذا القول كرد لتكفير الخوارج للصاحب الكبيرة. Au début, le regardement, il était moindre, moins grave qu'après. Au départ, il faisait des a'mal et il s'écartait des ma'asi, lakin ils ont répondu aux khawarij أن celui qui fait une ma'asiya, pour eux, ça reste un mu'min. Là, on peut se poser la question, nous, pour nous aussi, ça reste un mu'min. Vous allez voir que Aslu al-Inhiraf, il est un peu plus complexe que Hada. Avant cela, on lit Aqsam al-Murji'a. Thumma, on va lire un point très très important, la cause de leur égarement. Et vous verrez que ça ressemble au Khawarij. C'est un problème fait l'Iman. Qabla Hada, al-Murji'a, il y a plusieurs sectes. Nous, on ne traduira pas le Murji'a. Ce n'est pas la peine de traduire mitla hadhihi al-alfad. On sait que le Murji'a, ça vient de ta'khir. Ils disent que l'amal, ça ne fait pas partie de l'iman. Et on conseille d'aïman nos frères de s'habituer à employer les mots en arabe. Tu n'as pas besoin de traduire ou le prononcer en phonétique. Là, tu dis al-Murji'a. Qala al-allama Salih al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, fi risalati masail fil iman. Al-Murji'a, arba'atu aqsam. La secte des Murji'a, il y a quatre groupes. C'est tous des Murji'a, mais quatre groupes avec une croyance différente. Et ils ressemblent tous dans un point. Annahum, ils disent que Al-Amal, ça ne fait pas partie de l'Iman. Kulluhum. Mais vous verrez qu'il y a certaines différences. Al-Qismu al-Awwal, le premier groupe. Al-Ladhina yaqulun. Al-Iman huwa mujarrad al-Ma'rifa. ولو لم يحصل تصديق وهذا قول الجهمية عيادا بالله et ce قول il est très très grave. أن الإيمان عندهم c'est مجرد المعرفة connaître. مثلا celui qui connaît ou qui sait que Allah il existe, c'est un mu'min. Et ce قول il est très grave. لأن عندهم même la langue, la parole de la langue, c'est pas une condition. كذلك les œuvres. مجرد المعرفة ça suffit. المعرفة c'est connaître une chose. وهذا شر الأقوال وأقبحها وهذا كفر بالله عز وجل. أما هذا سيدي كفر. ففي سورة الإسلام هذا القول. قال الإمام أحمد رحمه الله عليه كما في السنة للخلال الجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه وهذا كفر إبليس وقد عرف ربه. المرجئة يقول que le fait de connaître Allah ça suffit. مثلا أي شخص الآن s'il sait que Allah il existe, c'est un musulman. Même s'il ne fait aucun amal, même s'il ne prononce pas. Et ça c'est grave. لأن كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه إبليس يعرف ربه إبليس لا jamais renié démenti l'existence d'Allah عز وجل بل إلى cité le دليل الإمام أحمد رحمة الله عليه فقال ربي بما أغويتني فإبليس قال ربي فإي sait que c'est son رب malgré cela c'est إمام الكفر ورأس الضلال. Et dans l'autre verset, خَلَقْتَنِ مِنْ نَارْ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينْ. Enfin, il reconnaît Allah en tant que créateur. Est-ce que ça fait de lui un musulman ? نَعُوذُ بِاللَّهِ. هَذَا الْقَوْلُ, c'est du kufr. Et c'est قول الجهمية. Et Inch'Allah Ta'ala, quand on étudiera la secte de الجهمية, ce point, et on sait l'an, أَنَّهُمْ c'est des مُرْجِئَةِ فِي الْإِيمَانِ. ثانياً, deuxième قسم. On est toujours في كلام شيخ الفوزان, حفظه الله. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الْإِيمَانُ هُوَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ فَقَطْ. وهذا قول الأشاعرة. Deuxième groupe, et c'est الأشاعرة, كذلك c'est des مرجئة في الإيمان, أنهم disent que الإيمان c'est التصديق بالقلب. Il y a une différence avec le premier قول. Le قول, même s'il ne s'attaque pas le premier, tant qu'il connaît, il sait, c'est un مؤمن. Même s'il ne croit pas, مثل إبليس. Le deuxième قول, أنه يصدق. التصديق, ça vient de الصدق. Il croit que ce dîn c'est la vérité, que le prophète c'est la vérité, que Allah subhanahu wa ta'ala il existe, ou hakada. Qala wa hadha qawl al ash'ari wa hadha aydan qawl batil li anna al kuffar yusaddiqun bi qulubihim. Sahih, ba'd al kuffar yusaddiqun, ils savent très bien que c'est le haqq. Et va citer les preuves. Waffaqahu Allah. Malgré cela, ça reste des kuffar. يعرفون ان القران حق وان الرسول حق واليهود والنصارى يعرفون ذلك. قال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Ils savent très bien que c'est le haq. تأمل قوله عز وجل وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Ils connaissent le haq. لكن c'est quoi qui les empêche de se soumettre et de prononcer le shahada et de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est le kibr. Et on a détaillé ce point dans notre risale al-wajibat fi kufr al-takdhib. Annahum ils savent que c'est haq, lakin al-kibr wal-inad wal-hasad, ça les empêche de se soumettre et de suivre. Donc même dans ce cas, at-tasdiq, ça suffit pas. Li'anna ba'd al-kuffar, ils savaient très bien que ce din c'est le haq. Ila yawmin hadha, lakin ça suffit pas. La bud min qawl wa amal. Troisième groupe. Qawl الفرقة التي تقابل الأشاعرة وهم الكرامية الذين يقولون إن الإيمان نطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. هذا الكفر, هذا القول, نعم ضلال واضح. أن الإيمان قول, c'est une parole même s'il ne croit pas. S'il dit je suis مؤمن, je crois, même si au fond lui ne croit pas, c'est un مؤمن. هؤلاء c'est الكرامية. وهذا القول الآن il est qalil s'il existe. Là, le qawl qui est propagé beaucoup de nos jours, c'est qawl al-ash'ira. كذلك le quatrième groupe. قال يقولون إن الإيمان نطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه ولا شك أن هذا القول باطل لأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بألسنتهم ويعملون بجوارحهم. صحيح. Même s'ils font l'amal, ça n'aurait d'aucune utilité. فتأمل المنافقين, حال المنافقين. Allah les a cités dans plusieurs sourates du Coran. Sourate المنافقين, sourate التوبه. أنهم يعملون, ils prononcent الشهادة. Et à l'époque du Prophète, ils faisaient salat ma'ah, ils allaient au hajj ma'ah, بعضهم ils faisaient le jihad ma'ah. Malgré cela, ils sont في الدرك الأسفلي, في الدرك الأسفلي من النار. كما أخبر الله عز وجل. Donc ça montre que القول ça suffit pas. لا, لأن المنافقون مثلا ils disent et ils prétendent croire, لكن au fond d'eux c'est des kafara. Comment on peut prétendre أنه ça suffit, عيادا بالله. هذا القول الثالث. القول الرابع قول مرجئة الفقهاء وهم أخف الفرق في الإرجاء. Ce groupe c'est le moins grave في هذا الباب. مرجئة الفقهاء يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا يدخل فيه العمل. هؤلاء ils ont dit c'est i'tiqadun bil qalb. Kadhalik, ils ont dit nutqun bil lisan, contrairement aux autres, et ils ont fait sortir al-amal. Pour eux, al-amal, ça ne fait pas partie de l'iman. Et on verra, inshallah, que pour eux, il faut faire l'amal. Lakin, pour eux, ça ne fait pas partie de l'iman. L'an al-iman, c'est quelque chose de. C'est comme un bloc. Tu crois ou tu ne crois pas. Amma'indahum, il ne monte pas, il ne descend pas. L'an pour le faire monter ou descendre, c'est avec les œuvres. Amma'hum, là, c'est dans le cœur et c'est une parole. Et si tu as l'iman, tu as le même iman que Jibril, alayhi salam. Si tu n'as pas l'iman, tu es un kafir. هذا كذلك سمينا الانحراف لكن c'est moins grave que les autres groupes. قال الشيخ الفوزان وهذا قول مرجئة الفقهاء وهو قول غير صحيح أيضا لأنه لا إيمان بدون عمل. هذا باختصار لكتخ جروب de المرجئة. الجهمية c'est des كفرة. Ils disent معرفة فقط. Même s'ils ne croient pas, même s'ils ne صدق pas. S'ils savent qu'il y a un ilah, c'est un mu'min. بهذا القول ça fait rentrer إبليس الشيطان في الإيمان. Et ça c'est très grave. هؤلاء c'est des كفرة كفرهم السلف. Deuxième قول الأشاعرة. Ils disent que الإيمان c'est التصديق بالقلب فقط. Tant que tu reconnais dans ton cœur et tu sais que c'est la vérité et tu crois, t'es un مؤمن. Et هذا c'est un قول بعيد كذلك. Troisième قول الكرامية. أنهم يقولون c'est une parole avec la langue فقط. Même si l'insan ne croit pas. Il fait ou il ne fait pas, ça ne change rien. Les munafiqun, ils ont fait. Lakin, tant qu'il prononce, c'est un mu'min. Même si au fond de lui, il ne croit pas. Ce qawl, il est très grave. L'imada, ça fait rentrer les hypocrites fil iman. Alors que les hypocrites, chaque mu'min, il sait qu'ils sont fil nar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a démontré. Les munafiqun, ils sont fil dark al-asfali min al-nar. Ils sont plus bas fond. Hada al-qawl, c'est min al-dhalal al-wadih. Quatrième قول مرجئة الفقهاء. Ils disent que l'iman c'est dans le cœur, tasdiqun, et ils disent que c'est une parole, lakin l'amal pour eux c'est autre chose. Ha'oula, c'est le groupe le moins grave dans l'égarement, fi al-irja. On revient, si vous avez compris, c'est qu'il murji'a, la définition. Walillahil hamd, on a lu ensemble qu'il y a plusieurs groupes, ça c'est important. Hatta ne pas croire que murji'at al-fuqaha ils sont comme le jahmiya. L'an al-jahmiya c'est des kuffars. Al-salaf ils les ont kuffars. Mais murji'at al-fuqaha, comme a bayyana Cheikh al-Islam, personne les a fait sortir de l'islam à cause de ce qawl. Hada c'est important de étudier al-dhalal wal-inhiraf et connaître les degrés. Famatalan, hatta fil rawafid. Al-rawafid qui adorent Ali et tous les égarements qu'on a vu dans la secte, c'est pas comme le shi'a. Al-Awwaloun qui faisait passer Ali avant Uthman, faqat. Bien comprendre ça. Kadalik al-Khawarij, il y a plusieurs niveaux. Talib al-Ilm, il doit comprendre ça. Hatta il ne mélange pas tout. On revient à le fondement. Pourquoi ils se sont égarés fi had al-Bab. C'est quoi la cause? Il y a une cause. Qala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kama fi majmou' al-Fatawa, al-Mujallad al-Sabi'. Septième volume de Majmou' al-Fatawa. Wa aslu niza' hadhihi al-firqa fi al-iman min al-khawarij wal-mu'tazila wal-jahmiya wa ghayrihim. Al-mu'tazila wal-jahmiya, c'est deux groupes qu'on verra ensemble inshallah ta'ala. Lakin pour que tu comprennes l'an, al-mu'tazila c'est des khawarij. Ils ont la même aqida que les khawarij fi al-iman. Al-jahmiya c'est des murji'a. Et on a vu leur qawl, ils disent mujarrad al-ma'rifa, c'est qu'une connaissance faqat. أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. Là, بد que tu comprends ce point pour comprendre l'égarement de cette secte. الخوارج عندهم الإيمان il descend pas. Si quelqu'un fait un grand péché, il sort de l'islam. مفهوم. Tout ça, on l'a vu ensemble, walillahi alhamd, dans le dars sur la secte des Khawarij. Al-Murji'a, c'est la même chose. Pour eux, l'iman, la foi, c'est comme un bloc, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Qui sait qui peut nous faire le lien entre les deux groupes? Sur ce point, pour que tu comprennes pourquoi ils se sont égarés via hadha al-bab. Tadal. Na'am. Donc pour eux, l'iman il est totalement annulé avec al-ma'asiyah. Tayyib. Amma indana, vu que nous avons l'aqida an al-iman ça monte et ça descend, tadal, inda al-sunnah. Son iman, qu'est-ce qui se passe à son iman? Yankus, il descend. Al-Khawarij, indahum, il ne descend pas. Enfin, ils disent qu'il n'a plus l'iman, c'est un kafir. Al-Sunnah, ils disent que son iman, il descend. Ça reste un musulman. Tant qu'il n'annule pas ce iman avec un annulatif. Al-Murji'ah, taddal. L'iman, il bouge pas. Le lien avec le Khawarij, pourquoi ils se ressemblent dans ce point? Si l'iman, il bouge pas. Na'am. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit, le Murji'ah? Ahsant. Vu que le Khawarij, ils ont dit celui qui fait un grand péché, il sort de l'iman. Ça, c'est un qawl batil. Al-Murji'a, ils savent très bien que ça, c'est faux. Ils ont répondu au Khawarij, celui qui fait un péché, son iman, il reste complet. Pourquoi les deux groupes, ils ont la croyance que l'iman, shay'un wahid, il descend pas, il monte pas. Amma sunni, pour répondre au Khawarij, qu'est-ce qu'on a dit? Le qawl comme quoi le grand péché il annule la foi totalement, c'est faux. L'Anna la foi, elle descend. Vu que le Murji'a pour eux, la foi, elle monte pas, elle descend pas. Et les œuvres, ça fait pas partie de la foi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ce péché de ce musulman, ça fait pas partie de la foi. Sa foi, elle est complète. Murji'a al-Fuqaha, ils reconnaissent que c'est un péché, lakin pour eux, ça fait pas partie de l'iman. Amma les autres, wal-Ghula, ils disent que ça fait aucun mal. Il fait zina, il boit de l'alcool, il vole. Tous les péchés, son iman, c'est comme celui de Jibril, alayhi salam. C'est ça, l'inhirav, ha'oula, hassala vi, had al-bab, an al-iman pour eux, c'est un bloc. Amma indana la, al-iman bid'un, wa setouna shu'ba, kama akhbara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est plusieurs branches. Hatta enlever un obstacle, c'est une branche de l'iman. Enfin, celui qui fait un péché, son iman, il descend. Amma qu'il annule tout son iman, هذا c'est من الظلم وسمنا الانحراف. On lit l'an, vous avez compris كلام شيخ الإسلام. قال إذا زال بعضه زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقول بذهاب بعضه وبقاء بعضه. Contrairement à la Sunna. Amma نحن on dit si ce musulman il fait des efforts, sa foi elle monte. Si ce musulman il a des faiblesses, il fait des péchés, sa foi elle descend. Amma هم لا. Al-Khawarij, ils ont exagéré, ils ont dit il n'a plus d'iman à cause de ses péchés. Al-Murji'a, ils ont exagéré dans un autre extrême. Qalou, même s'il fait des péchés, ça ne fait rien à son iman. Amma Ahl-Sunnah, c'est la voie du juste milieu. Son iman, il ne part pas totalement, lakin il descend. Hada huwa al-qawl al-sahih. Qala Cheikh al-Islam, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. Ça montre أن الإيمان c'est pas un bloc comme ils prétendent هؤلاء. الإيمان ça descend. حتى يوم القيامة certains مؤمنون ils sortiront من النار وفي قلبهم مثقال حبة. Ça montre que c'est une toute petite chose. لكن ça reste إيمان. Enfin, ça les fera sortir minanah. Ça montre que l'iman il descend. Le hadith il est fait sahihayn. Qala Cheikh l'Islam, thumma qalat al-khawarij wal-mu'tazila. Khawarij, al-khawarij wal-mu'tazila, c'est ceux qui disent que celui qui fait un grand péché, il n'a plus de foi. At-ta'at kulluha min al-iman, fa'idha dhahaba ba'duha dhahaba ba'du al-iman, fa'dhahaba sa'iru. Ça c'est qawl al-khawarij. Anna pour eux, les œuvres, ça fait partie de l'iman. Comme on dit, nahnu ahl sunnah. Lakin, ils se sont égarés. Si tu perds une partie de l'iman, tu perds tout. Pourquoi? Leur croyance, c'est quoi, fait l'iman? Naam, lian al-iman, indahum, il descend pas. Hala. C'est pour ça que, vu qu'il descend pas, indahum, ils ont dit, il a plus d'iman. Amma nahnu, là, on dit, s'il fait des péchés, son iman, il descend. Hala, qawl al-khawarij. قال فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. Pour eux, celui qui fait un grand péché, c'est plus un mu'min, il n'a plus la foi. Deuxième groupe, et c'est ce qui nous intéresse dans notre cours d'aujourd'hui. وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتباعد. الإيمان c'est comme un bloc, il n'y a pas plusieurs parties, il n'y a pas plusieurs branches, il n'y a pas plusieurs degrés, niveaux. C'est une chose, tu l'as ou tu ne l'as pas. Comme ils ont fait le Khawarij. Lakin le Khawarij, ils l'ont kaffar. Haoula ta'ammal, vu qu'ils savent que le khawarij, ils sont à la dhalal, et ils veulent pas faire sortir le mu'min de l'islam, li'annahum, ils savent que c'est batil, ils se sont égarés dans un autre point. Qala, rahmatullah alayhi, imma mujarrad tasdiq al-qalb, ka qawl al-jahmiyya, certains d'entre eux, ils ont dit, l'iman, c'est qu'est-ce que l'insan s'y reconnaît. تقدم معنا الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة نعم أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة قالوا لأن إذا أدخلنا الأعمال صارت جزءا منه فإذا ذهبت ذهب بعضه. Ils ont été obligés à cause de leur عقل فاسد et leur منهج منحرف, ils ont été obligés de faire sortir l'a'mal min al-iman. لأن s'ils auraient dit l'a'mal min al-iman, ils auraient été obligés de dire أن l'iman il monte et il descend. Et الحقيقة, ils seraient restés à la sunna. لكن ils se sont égarés pour répliquer au khawarij, ils ont dit l'a'mal ça ne fait pas partie de l'iman. Et ils ont dit l'iman c'est un tout, celui qui l'a, il ne bouge pas. Voilà aussi fait de ma'asi. Ce kalam de Cheikh l'Islam, il est muhim jiddan, et ça montre قوه هذا الامام انه الى cité le regardement, il a montré السر et la cause. وهكذا نحن on doit faire des efforts pour comprendre des choses. هكذا حتى on mélange pas. لان بعض الناس الان ils accusent فلان d'être مرجي او d'autres ils comprennent pas l'irja او d'autres ils font entrer le مرجي في اهل السنه. لماذا؟ لان مثل هذه الاصول elles sont pas maîtrisées. قال رحمه الله عليه فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان وهو قول المعتزلة والخوارج وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين حيث قالوا الإيمان قول وعمل وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال. Ils se sont égarés. Les deux extrêmes, مرجئة وخوارج. لأن pour ne pas s'égarer في هذا الباب, t'es obligé d'avoir la conviction أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد وينقص. Et avec cette aqida, l'iman, il monte et il descend, et incha'Allah ta'ala, tu arriveras à comprendre les textes. Intaha kalam, Cheikh l'Islam, rahmatullah alayhi. On lit certaines preuves, l'iman, il monte et il descend. Qala azza wa jal, innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. L'ayat est wadiha. Anna al-mu'min, sa foi, elle descend. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد بماذا؟ avec l'écoute du Coran, خاصة celui qui médite, avec أعمال البر, que ce soit الصيام, que ce soit الصدقة, que ce soit toutes les عبادات, ça fait monter الإيمان. وقال عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Ça montre أن الإيمان montre قال عز وجل وما زادهم أي ça leur a fait augmenter ماذا الإيمان والتسليم. قال الإمام البغدادي رحمة الله عليه ففي هذه الآيات الست تصريح. Il a cité six versets في زيادة الإيمان. نحن on a résumé, on en a cité que deux, ça suffit هنا. قال تصريح بأن الإيمان يزيد وإذا صحت الزيادة فيه كان الذي زاد إيمانه قبل الإزدياد كان الذي زاد إيمانه قبل الإزدياد أي ناقص. في القرآن tu trouveras pas de preuve explicite أن الإيمان يدسن أي un verset où que l'Iman يدسن. Il y a que des versets, الإمام البغدادي يقول 6 versets أن الإيمان يمونت. هذا الإمام رحمة الله عليه يمونت أن si الإيمان يمونت forcément يدسن. لأن si يمونت مثلا aujourd'hui ton iman il est monté, ça veut dire que hier il était comment? Il était plus bas. Ça c'est واضح. Une chose qui est ici hier, si aujourd'hui elle est là, c'est qu'hier elle était en bas d'ici, donc elle était basse. هذا واضح. C'est pour ça que fil Quran tu trouveras que des versets sur ziyada, fala yushkil alayk. Les versets sur ziyada c'est un dalil ala naqs. هذا c'est compris? Bien comprendre le point que Cheikh l'Islam il a cité sur le khawarij wal murji'ah. Et هذا الباب إن شاء الله ça sera beaucoup plus simple. On cite leur أصول باختصار. Et في الحقيقة c'est le récapitulatif de tout ce qu'on a vu. أولا المرجئة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. Ça c'est chaque groupe de المرجئة, que ce soit الجهمية, الكرامية, المرجئة الفقهاء أو الأشاعرة يفهم تستقطير العمل من الإيمان. قال الإمام ابن بطر رحمة الله عليه في الإبانة الكبرى: والمرجئة تزعم أن الصلاة والزكاة ليست من الإيمان، فقد أكذبهم الله عز وجل وأبان خلافهم. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لم يبني أو لم يثني على المؤمنين ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم، ولم يخبرهم برضا عنهم إلا بالعمل الصالح. الإمام ابن بطة رحمة الله عليه إمام كبير من أئمة السنة، إلى أن ليفغ السلف والإبانة الكبرى كذلك الصغرى، إلى إكسبليك أن المرجئة يقولون أن الصلاة والزكاة صفيبا بارتد الإيمان. Pourquoi ? Il y en a, ils ont cette aqida, l'iman, c'est tasdir, c'est dans le cœur. Amma pour eux, l'amal, c'est autre chose. Ibn Battah, rahmatullah alayhi, démontre en Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, tu trouves beaucoup yutni ala al-mu'minin avec l'a'mal. Et s'ils font telle chose, ils auront telle chose. Ça montre en Allah, subhanahu wa ta'ala, yuhib al-amal, et en al-amal, ça fait partie de l'iman. Et on a cité quelques versets. Qala, إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح، وقرن القول بالعمل والنية بالإخلاص حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينقص بعضها من بعض. لا بد trois: croyance, parole et acte. C'est ça l'Iman. قال حتى صار الإيمان قولا باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب خلافا لقول المرجئة الضالة. Donc, le principal égarement de l'murji'ah, ils ont fait sortir l'amal min al-iman. Wallah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an yaqul wal 'asr inna al-insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu as-salihat. Vous avez remarqué, walillahi alhamd, ana kathiran fi al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cite l'iman, il cite l'amal. Léna, ça va ensemble. Illa alladhina amanu wa 'amilu as-salihat. وقول الله عز وجل أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. فسمونت أن كذلك سكي صفغ على بيرسون سل إيمان والعمل صفا أنصمل. قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في أصول أهل السنة للإمام اللالكائي رحمة الله عليه: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. إجماع السلف يغبط الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن الإيمان c'est une croyance, parole et acte. هكذا الصحابة رضي الله عنهم avaient cette عقيدة et ceux qui sont venus après eux. Deuxième point qu'on a vu, عقيدة المرجئة par rapport à صاحب الكبيرة. جاء في مجلة البحوث الإسلامية والإفتاء، أي كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، قالوا: اختلف المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة، فمنهم من وافق أهل السنة كمرجئة الفقهاء حيث كان إرجاؤهم في تأخير العمل عند الإيمان فقط. أما مرجئة الفقهاء أي الإمام أبو حنيفة وغيره أنهم في باب مرتكب الكبيرة يسمكم أهل السنة، إسبانه لا يضر مع الإيمان ذنب لا، لكن سيدي مرجئة لماذا؟ لأنهم يزن في السخطر العمل من الإيمان. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب، ولا نقول إنه لا يدخل النار كما تقول المرجئة. هكذا قال أساس من الإنصاف والعلماء رحمة الله عليه مسيت هذا أن مرجئة الفقهاء يزن طالوا ما مقاموك الجهمية أو كالكرامية أو كالأشاعرة لا. قال: ومنهم on est toujours dans كلام اللجنة، ومنهم من خالف أهل السنة كالمرجئ الغلاء حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا القول إلى تخيط أن les péchés ça fait aucun mal à la foi. Et ils ont comparé avec حال الكافر، الكافر s'il fait une حسنة elle lui est d'aucune utilité. لا إن أشركت لا يحبطن عملك عند الله يتخوف غير الكافر. فهكذا pour eux المؤمن avec le معصية. Vu que le kafir les حسنات ça lui fait aucun bien, il a aucune, il profitera en rien dans cette حسنة qu'il a fait. فهكذا المؤمن le péché ça lui fait aucun mal. عياذ بالله. من أسباب الضلال مثل هذه الأقيسة الباطلة. Faire un qiyas qui est pas à sa place. لماذا cette comparaison? On a des adilles أن les péchés ça fait du mal. Beaucoup de péchés, beaucoup de dalil في هذا. نعم وتأمل أخي الكريم هذه الآية ففيها رد قوي على المرجئة. قول الله عز وجل أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله سبحانه وتعالى يقول أم حسب الذين اشترحوا السيئات أي est-ce que ceux qui font des péchés أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أي est-ce qu'on va les mettre au même niveau que ceux qui ont cru et qui font des bonnes œuvres. هكذا مذهب المرجع les mettre au même niveau. أما السني celui qui suit la voie des salaf فلا لأن il y a une très grande différence. وما بالك si cette عقيدة elle rentre, elle est rentrée chez certains muslims, خاصة بعض الجهال العوام, أنه il pense que l'iman c'est que dans le cœur. Il va faire جميع المحرمات والمعاصي et si les conseils va te dire je suis mu'min, j'ai la foi. Et ça c'est très très grave. Si on ouvre ce bab, ça fait beaucoup de mal à la umma. Troisième point qu'on va citer très brièvement, al-istitna fi l'iman. Toujours rapport avec l'iman. Al-istitna, c'est le fait de dire ana mu'min inshaAllah. قال الإمام الأجوري رحمة الله عليه في الشريعة احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان هذا كله مذهب أهل الإرجاء. السني عند السلف c'est مشروع de dire أنا مؤمن إن شاء الله. Pourquoi? لأن المؤمن quand il dit je suis un مؤمن إن شاء الله ça veut pas dire qu'il a des doutes. لأن المرجئة ils interdisent de dire هذا. لأن si tu dis je suis مؤمن إن شاء الله ça veut dire que tu as des doutes. أما عند أهل السنة فلا لماذا؟ لأن عندنا الإيمان يموت يدسان فأنا دي جسوي مؤمن إن شاء الله لأننا أنسيبا إسك الله إلا أكسبتين الزبر كذلك من باب الإخلاص والتواضع فأنا دي جسوي مؤمن إن شاء الله لأن الإيمان يموت يدسان لأن كمال الإيمان أنسيبا أنكوا ولله الحمد لكن أنسيبا إسك نتخ إيمان إلي قوي أم لا أنا دي أني مؤمن إن شاء الله كذلك أنا أهل السنة يزطوريزد دير هذا لماذا لأن الإنسان يسيبا يبا مورير سر كوا on dit je suis مؤمن إن شاء الله والخاتمة لا يعلمها إلا الله on dit إن شاء الله أي de mourir on espère mourir على هذا الحال أما المرجئة عندهم لا pourquoi ça revient toujours au point qu'on a cité que Cheikh الإسلام il a cité المرجئة pour eux c'est interdit de dire je suis مؤمن إن شاء الله. Tu dois dire je suis mu'min. Tu ne dois pas dire Inch'Allah. Si tu dis Inch'Allah, c'est comme si tu avais des doutes. Pourquoi? Ahsan, liana l'iman indahum shay'un wa'id. T'as pas à dire Inch'Allah. Vu que tu crois, tu crois. Wahada semina al-dhalal wa l'inhiraf. Liana l'iman y monte et descend wa l'istitna ouvi. Bien sûr, sans avoir de doute, c'est mashrou'. Et as-salaf, ils ont plusieurs paroles fi hada. Et cette partie. Inch'Allah ta'ala, vous l'étudierez fi kutub al-aqida. Qala Abu Bakr al-Fadli, man qala ana mu'min inch'Allah fa huwa kafir, la tajuz al-munakahatu ma'ah. Isma' qawla al-murji'ah. Hada yaqul, celui qui dit je suis mu'min inch'Allah, c'est un kafir. Et t'as pas le droit de marier. A'yadam billah. Limadha li anna ils ont ce mabda fi l'iman. Wa qala ba'du al-hanaviyya. Et certains suiveurs de l'imam Abu Hanifa, لا ينبغي للحنفي أن يزوج ابنته من رجل شافعي المذهب ولكن يتزوج من الشافعية تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. Un Hanafi n'a pas le droit de se marier avec une muslima qui suit madhhab l'imam Shafi'i. لماذا؟ لأن l'imam Shafi'i est à la عقيدة أهل السنة في الإيمان. Et il autorise à dire je suis mu'min inshallah. فعندهم ils autorisent pas sauf ils autorisent, lakin ce Shafi'i, c'est comme si c'était. Il faisait partie d'Ahl al-Kitab, un juif ou un chrétien. Vu que se marier avec Ahl al-Kitab, c'est autorisé, fa hakada al-Shafi'iyya, iyadam billah. Pourquoi? Qala, bi hujjat anna al-Shafi'iyya yarawna jawaz al-istitna fi al-iman wa huwa kufr. Pourquoi? Lianna al-Shafi'iyya, ils sont à la madhhab Ahl al-Sunnah wa Allah al-Hamd, et ils disent yajouz al-istitna, et ils disent inshallah mu'min, et pour eux, c'est du kufr. Et ha'oula, c'est des murji'a. Wallah al-musta'an. Hadha al-madhhab il est khatir. Et il est répandu. Et ulama, as-sunna qadiman wa hadithan, ils mettent en garde. Limadha li anna hadha al-madhhab, il ouvre des portes khatira pour l'umma. Ma balouk, si tu montres à un musulman ou un musulman, il croit anna al-iman, c'est mujarrad al-ma'rifa. Et son iman, il est comme sur Jibril. Qawl al-jahmiya. Ah, il va dire, je sais qu'Allah il existe, je suis un mu'min. Thumma, il va suivre, ayyadan billah, ses passions, il va faire jami' al-muharramat. Hakada qawl les autres groupes. Un mu'min qui pense que l'amal, ça ne fait plus partie de l'iman, khalas. Lui, il va dire, moi je crois, et je dis la ilaha illallah. Et il ne va plus faire d'œuvre, il va délaisser jami' al-amal, il va faire al-muharramat. Et ta'alamoun anna hada, c'est répandu, inda ba'dna. Il te dit, mon cœur il est blanc, je suis mu'min. Et il ne fait pas d'efforts. Les efforts, c'est sur quoi? C'est fait l'amal. Pourquoi le mu'min il fait des efforts? Que ce soit le ramadan, que ce soit le hajj, que ce soit le tarawih, que ce soit l'ilm, que ce soit la bienfaisance envers les parents, envers les voisins, tous ces a'mal min al-bir. Pourquoi? Les anna sont iman, ils montent et ils espèrent la récompense d'Allah Azza wa Jal. Avec hada al-madhhab al-khabith, ça annule tout ça. Et tu trouveras des gens, pour eux, l'amal, il n'a pas une grande importance. Il te dit, je suis mu'min. L'islam ou l'iman, c'est dans le cœur. قال الإمام الزهري رحمة الله عليه ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذا يعني الإرجاء الإمام الزهري رحمة الله عليه من مشايخ الإمام مالك un grand imam de la sunna il démontre أن هذه البدعة c'est une des pires أي au niveau le mal qu'elle fait à la أمة أما بدعة الروافض والله الحمد كثير من المسلمين بل, la grande majorité des musulmans ils savent qu'ils sont à la chorb sauf certains ignorants ils ne connaissent pas leurs égarements mais quand tu expliques leurs égarements falhamdulillah l'inhiraf il est rejeté cette bid'a de l'irja le nafs elle veut ça l'insan il aime avoir des certitudes je suis mu'min mon iman il descend plus c'est grave tu lui expliques que les péchés c'est très grave ton iman il peut descendre ces choses ça annule l'islam ces choses si tu les fais ça augmente ton iman Inch'Allah, il va faire des efforts. Falihada, fil jannah, il y a plusieurs niveaux. Al-Firdaus al-A'la est plusieurs degrés, 100 degrés. Limada, li anna, il y a une différence entre l'iman ou l'amal. Chacun, par rapport à ses efforts, il aura sa place fil jannah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala min fadli. Amma ha'oulala, tu crois? Certains, ils ont rajouté la parole, et ça suffit. Wa qala al-Awza'i rahmatullah alayhi, kana Yahya. وقتادة يقولان ليس من أهل الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. Les savants ils avaient très peur que cette bid'a elle rentre dans l'umma. Pourquoi? Les premières cibles, les premières victimes de cette bid'a, ça va être les juhal, al-awam masakin. Ils ont du mal à faire certaines choses et ils font certains des péchés, certains beaucoup plus. Si cette porte elle est ouverte, Shaytan il va rentrer et ils vont croire, ils vont dire tel imam il a dit. Ils vont dire nous pour nous l'iman c'est dans le cœur. Et ayyadan billah, c'est une porte d'égarement. Ala kulli hal, al-mu'min il fait des efforts fi l'ilm, fi l'amal. Et كذلك al-mu'min da'iman il fait des efforts pour être entre le khawf wa raja. Entre la peur et l'espérance. Il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment il s'écarte des péchés كذلك, il fait des efforts il aime Allah, il aime l'ibada il fait des efforts il espère une grande récompense قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه الواجب على المسلم لا يقنط ولا يأمن ويكون بين الرجاء والخوف fais attention à deux choses أخي الكريم ne désespère jamais tant que tu es vivant ولله الحمد Ne désespère pas, même si tu as fait des fautes, même si tu as fait des péchés. Tub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Les péchés, ça fait beaucoup de mal. Tub. Et كذلك, fais attention, ne pas basculer dans l'autre extrême, al-raja. Espérer, faqat, ne plus avoir peur. Mitl al-murji'a. Les péchés, ça fait aucun mal. Al-insan, il a la foi. Et qu'anna, tu as une garantie, tu vas mourir à la hada al-iman. Ihdhar. قال الشيخ بن باز لأن الله ذم الآمنين وذم القانتين الله سبحانه وتعالى il n'est pas satisfait des deux groupes ceux qui exagèrent au niveau de la peur et ils espèrent plus et كذلك ceux qui espèrent et ils ont plus peur le juste milieu قال سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأمن من مكر الله, ça veut dire se sentir à l'abri. Les péchés, ça fait plus de mal. كأنه il est sûr de mourir à l'iman. Ça fait beaucoup de mal à la personne. لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء, il guide qui veut, il égare qui veut. وقال سبحانه لا تقنطوا من رحمة الله. Ne désespère pas. Entre les deux, خوف ورجاء. فهذا الذي أردنا, ce groupe المرجئة باختصار, on a cité leur عقيدة, on a cité certains de leurs fondements, on a cité une définition. Et بقي الشبهات, لكن ça serait trop long pour répondre à toutes leurs شبهات. Ou à celui qui veut les détails, enfin les livres de Aqid, que ce soit le Wansitiya ou le Tahawiya, ou les Shuruhat de Tahawiya, ils détaillent et répondent aux Shubuhat. Fa'alayna jami'an, on doit tous faire des efforts fi hadha al-bab, bab al-Aqid, que ce soit bab al-Iman ou autre. Aqidat al-Salaf al-Salih, on doit faire des efforts, étudier, la comprendre. Comprendre كذلك ceux qui se sont égarés حتى نحذر ونحذر و كذلك faire attention de ne pas mélanger في هذا الباب باب الإيمان. Il y en a بعض الإخوان ربما ils n'ont pas étudié العقيدة عقيدة السلف, et كذلك ils n'ont pas étudié les fondements des égarés, que ce soit le خوارج ou le مرجئة, et ils rentrent dans cette مسألة et ils mélangent beaucoup de choses. Ils ne font pas différence entre مرجئة الفقهاء entre الجهمية et بل بعضهم. Ils sont arrivés à un stade أنهم يطعنون في بعض الأئمة أنهم c'est des مرجئة. بعضهم شغلهم الشاغل c'est الطعن في الإمام الألباني رحمة الله عليه من أئمة العصر. C'est un salafi والله الحمد عقيدة ومنهجة. Et tu trouves بعضهم يطعن في أنه c'est un مرجئ. C'est pas tous ceux qui disent que celui qui fait pas الصلاة ou qui délaisse الصلاة ça reste un مؤمن أنه c'est des مرجئة. أبدا. كثير من أئمة السنة يقولون أن même si délaisse الصلاة ça reste un مسلم. Même si tu penses que c'est un قول il est pas صحيح, ça veut pas dire que c'est un مرجئ عيادا بالله. إنسان يحذر. La مسألة n'est pas aussi simple que ça. يحذر et il étudie. اسمع قال الإمام الألباني رحمة الله عليه, لأن de son vivant il l'accusait déjà de هذا. قال في الصحيحة المجلد السابع مع أنه مختصر الكلام مع أنه يعلم أنني أخالفهم. ست une personne qui a accusé le cheikh, Cheikh Al-Albani, de son vivant, أنه c'est un مرجئ. Et nous, on a lu l'égarement de مرجئة. Cheikh Al-Albani lui répond, مع أنه يعلم, et il sait très bien, أنني أخالفهم مخالفة جذرية, et أساسية, أصلية, et je les contredis dans leur fondement. Malgré cela, il sentait à dire, Cheikh Al-Albani, c'est un مرجئ. أين الصدق. Il te montre أنه c'est pas un مرجئ, il te montre أنه il est خالف. Cheikh Al-Albani, de son vivant, il fait partie des savants en cette époque qui a le plus répliqué à Ahl al-Bida'a, que ce soit Mourdi ou autre. Donc, tu trouves Wahid, Bikulli Suhula, il l'accuse. Malgré qu'il lui montre de son vivant, je ne suis pas un Mourdi, et il lui explique. Isma, قال فأقول, الإيمان يزيد وينقص, وأن الأعمال الصالحة من الإيمان, وأنه يجوز الاستثناء فيه. Les trois points qu'on a cités. Il dit, أن الإيمان il monte et il descend. رحمة الله عليه, il dit, أن الأعمال الصلاة etc. ça fait partie de l'Iman. Et il dit يجوز الاستثناء, de dire أنا مؤمن إن شاء الله. Donc c'est un sunni ولله الحمد في هذا الباب وفي غيره. قال الشيخ رحمة الله عليه خلافا للمرجئة ومع ذلك رماني أكثر من مرة بالإرجاء. Malgré cela, plusieurs fois ils l'ont accusé d'être مرجئ إلى يومنا هذا. إنسان fait attention, أين الصدق, أين الإخلاص. Il respecte علماء السنة. C'est pas tous ceux qui se trompent dans une chose, forcément ils font partie d'un groupe égaré. Là, Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, il ne kaffre pas tarik al-salah ou kathir min al-a'imma. L'imam Shafi'i, l'imam Ahmed Firiwaya, l'imam Malik, et d'autres, des contemporains, des anciens. Et personne dit que c'est des murji'a, illa ahl al-dhalal ou al-inhara. Fahdharu min hadhihi al-shubuhat. وسئل الإمام أحمد رحمة الله عليه كما في السنة للخلال عمن قال الإيمان يزيد وينقص. Ils ont demandé à l'imam Ahmed, celui qui dit l'Iman il monte et il descend. قال رحمة الله عليه هذا برئ من الإرجاء. هذا il est sorti من الإرجاء. Il dit l'Iman il monte et il descend. ولله الحمد. وقال الإمام البربهاري رحمة الله عليه في شرح السنة من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. Bien sûr, et il dit que l'amal, ça fait partie de l'iman. Comme هو حال الإمام الألباني وأئمة السنة فالحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك